Dis, Bibounette, tu veux faire quoi aujourd'hui? La même chose que tous les mois, mon Bibou. Faire un petit podcast. Bibou et Bibounette, Bibounette et Bibou, ils se prennent pas la tête et vous donnent rendez-vous. Rendez-vous bonne franquette chez Bibou, Bibounette, chez Bibou, Bibou et Bibounette. Net, net, net, net. Ah, bonjour et bienvenue dans cet épisode 4 de chez Bibou et Bibounette, le podcast. Bonjour mon Bibou. Bonjour ma Bibounette, comment tu vas? Eh ben écoute, super bien, très contente d'enregistrer à la maison, deuxième fois au mois de juillet. C'est on ça. Est motivés. Ça fait que 20 jours qu'on a enregistré notre Animal Crossing troisième épisode d'Animal Crossing. Ouais, ouais, ouais, et puis bah là, c'était début de semaine, tu m'as parlé d'un nouveau projet. Ouais. Et trop motivé quoi. D'accord, tu vas nous... Bah, si bah tu non, veux... vas-y, non, explique, non, mais c'est ton quoi. Projet. C'est ton projet, vas-y, explique-nous. Non, en fait, j'ai eu envie de sortir un petit peu du format qu'on faisait habituellement. C'est vrai. C'est-à-dire les chroniques, les dossiers, les sujets. Tout à fait. Et je voulais faire un truc qu'on fait régulièrement tous les deux, sous plusieurs formes, en fait. Ouais, c'est vrai qu'on fait ça depuis plus de 11 ans, en fait. Depuis qu'on se connaît, on a toujours fait ça, en fait. Oui, exactement, ouais. C'est vrai. Et ouais. c'est des quiz. Des quiz. Ouais. Des quiz cinéma, des quiz séries, des quiz. Des quiz musicaux. Ouais, c'est ouais. C'est ça. En fait, on a toujours fait ça tous les deux durant nos soirées en tête à tête. Il y a un bon paquet de soirées qu'on passe uniquement à faire des quiz. Tous les deux, quoi. Des quiz, ouais. Alors, tu regardes pas, hein. Bah vas-y, explique un petit peu le principe tant qu'on y est, en fait. Ouais. Bah souvent, on se met la musique ou une vidéo sur YouTube, mais on dit à l'autre, tu regardes pas. Donc l'autre est obligé de se retourner, de se cacher les yeux. Donc voilà, et puis de trouver un moment du film bien précis. Ou un thème. Souvent, on fait les thèmes de film, ouais. Et ça vrai. Peut durer 4, 5 heures, 6 heures. C'est arrivé au bas mot, 5h du matin, c'est en faisant ça, quoi. Ouais. C'est vrai. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être? Eh bien aujourd'hui, moi j'avais l'idée de faire un petit quiz cinéma. Voilà, c'est ça. Pour tester un petit peu nos connaissances tous les deux, parce que c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps, qu'on regarde beaucoup de films tous les deux. Ouais, alors on part sur une vingtaine de questions chacun, c'est ça? Alors, moi je pense qu'avant de dire les questions, il y a une chose qu'il faut que les auditeurs sachent, et auditrices bien sûr, c'est qu'on se connaît tellement bien avec Julien qu'il nous est déjà arrivé de vouloir se faire exactement les mêmes cadeaux. J'avais déjà mis des paniers, des objets dans un panier pour les commander. En fait, Julien était allé les chercher en ville. Je parle de certains posters. Donc, il est possible que sur 20 questions, et alors là, du coup, il va y avoir gros soucis. Enfin, non, on va prendre ça à la rigolade. On s'est dit avec Julien, si on arrive à trouver le même film, la même scène, et que dans la scène, on a posé la même question, eh ben, on ira acheter une bouteille de champagne. C'est ça? Alors, le même film, c'est... quasiment sûr à 100% qu'on va à un moment donné sur tomber. Le même film. Si c'est la même réponse. Non, mais déjà dans le film, la même scène. Oui, bah peu importe, ouais. que ça arrive à la même réponse, qu'elle soit... T'imagines. Là, c'est champagne. C'est champagne. Là, on vous fera une photo, parce que là, champagne, quoi. Parce qu'on vous promet, on a vraiment respecté le travail de l'autre. Chacun a travaillé de son côté, on n'a pas fouiné, on n'a pas cherché. Ça fait trois jours qu'on écrit nos questions chacun de notre côté, sans regarder ce que fait l'autre. En fait, voilà, tout simplement, on a respecté le travail de l'autre pour ne pas tricher et pour que vous ayez aussi de la surprise. Ok. Donc, 20 questions, c'est ça? 20 questions chacun, on va poser une question chacun son tour. Voilà, ok. On a mis en place 3 jokers. Alors, pour être honnête, on a repris un peu les jokers de qui veut gagner des millions, on s'est pas trop pris la tête. Voilà, et alors on en a repris 2. On a repris 2, ouais, pardon. Et vas-y. On en a inventé un qui vient de Zelda Link Awakening. J'ai mis une loupe. Donc, le joker. Donc, il y a quoi comme joker déjà? Alors, il y a le 50-50, évidemment, le classique qui va supprimer 2 mauvaises réponses. Voilà. On a mis en place l'appel à un ami. Alors, ça, on va tester. On a testé hier, on a fait des tests son. Ouais. Et ouais. Ça va être très sympa, je ça va pense. Être très rock'n'roll. Ouais. Vous aurez la surprise. Donc, qui va être appelé à ce moment? Julien choisit quelqu'un et moi également. Voilà. Et donc, le dernier, ce que je disais, donc, c'est la loupe voilà, qui permet de. On peut demander un indice. Voilà, un peu sur plus précis sur la réponse. Exactement. Bon, ben, c'est pas mal. Je pense qu'on a tout fait, toutes les explications. Voilà, chacun va noter les points aussi, comme ça, il n'y aura pas de confusion. Voilà. D'accord, ok. Ouais. Donc, on a notre petite fiche à points. Et puis, ben, moi, je dis que c'est pas mal. Ouais, on a tout expliqué, là. Ok. Ouais. Écoute, je vais lancer un petit jingle, le jingle classique de Qui veut gagner des millions. Ouais, ok. Mais petit détail sympa, repris avec Mario Paint. Ah, le excellent. Le vieux jeu vidéo. Ok, bon bah voilà. Vas-y, fais-nous écouter, fais-nous découvrir ça. Allez, c'est parti. Mario Alors... Eh ben voilà, le jeu est lancé. Et moi, je propose une partie de Shifumi pour savoir qui prend la main. Si tu veux. Allez. Shifumi. Bon, ben, ex aequo. Shifumi. Ah, mais c'est pas possible. Encore. Shifumi. Mais c'est pas possible. Bon, et une dernière. C'est quoi, prends la main, parce que ça va être... Bon, d'accord. Allez, vas-y, commence. Dans un quart d'heure, on y est encore, en fait. Donc... Bon, alors, allez, c'est parti. Question numéro 1. Dans Alien 4 Résurrection de 1997. D'accord. Fait par Jean-Pierre Jeunet. En quelle année se déroule le film ? Réponse A, 2353. Ouais. Réponse B, 2364. Réponse C, 2379. Ou réponse D, 2382. C'est tordu. Hein, oui, c'est tordu. C'est très chaud. Je commence en plus par une question bien difficile. Ouais. Ah, tu peux me les répéter un peu plus rapidement, je vais essayer de visualiser. Je ne vais plus dire 2300, parce que c'est toujours en 2300. Ouais, bien sûr, ouais, vas-y. 53, 64, 79 ou 82 ? Je veux dire 79. Oh punaise, non mais c'est pas possible. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Ah, yes. Oh là là. Alors là, je t'avoue, c'est vraiment du hasard. Eh ben c'est bien, j'avais mis 82 pour ma naissance et puis voilà. Ok. Bon, bah, à ton tour. T'as déjà un bâton, ça m'énerve. Bah, allez, c'est vas-y. Le jeu, ma poupée bounette. Bah oui, c'est hein. Jeu, c'est jeu. Et oui. Allez, vas-y. Alors, combien de Dr Pepper boit Forrest Gump avant de rencontrer John Fitzgerald Kennedy à la Maison Blanche ? Il en boit 10, 15, 20 ou 25 ? D'instinct, je dirais 20. 20 Dr Pepper. 20 Dr Pepper ? 20 Dr Pepper. Tu valides la réponse ? Ah, j'essaie de me souvenir de la scène que je vois très bien. Je la vieillis. Non, je vais rester sur ma première intuition, 20 Dr Pepper. 20, et il en a bu 15 en fait. Ah, ça m'énerve. C'est... Avant d'être pris d'une terrible envie de pisser. Je voilà, crois c'est que ce ça. Jeune homme a terriblement envie de pisser. Bon, ben, pas de point. Donc c'était 15, oui. Bon, ben voilà. C'est un peu tordu aussi, j'avoue que là, il faut faire appel à sa mémoire et c'est pas évident. Quoi. Voilà. Bien joué, bien joué. Ok. Dans Babe, le petit cochon devenu berger. Ça, j'en étais sûr. Ça. Ah, bah c'est soi-disant ton film préféré. Non, j'ai pas dit que c'était ton film chouchou que tu connais j'adore depuis. J'adore ce film, voilà. Ouais. Comment s'appelle la chienne qui apprécie énormément Babe ? Oui. Bobine, Ficelle, Clochette ou Lola ? Alors j'hésite entre les deux premiers, Bobine ou Ficelle, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est les deux premiers. J'hésite ouais. Entre les deux. D'accord. Je crois que c'est Ficelle. T'es sûr ? Je crois que c'est Bobine et je valide Bobine. Tu valides Bobine ? Bah, c'était Ficelle. Ah, c'est pas possible. Alors, ça, c'est pas sympa, quoi. Ah, bah, moi, j'ai juste posé la question, ouais, savoir ouais. Si t'étais sûr. Non, mais c'est tu tout. M'as fait un truc genre, t'es sûr ? Non, j'ai juste fait. J'ai vu tes yeux, tu non m'as fait... Really oui. T'es vraiment sûr de ce que tu vas dire ? Si, bah, et tu me l'as fait aussi avant. D'accord, really. Ok. Ouais, ouais, ok, ça marche. C'est le jeu, hein. Ok, ok. Bon, bah, c'est à ton tour. Ouais. Alors, ça va te plaire. D'accord. Et je pense que tu vas trouver directement, quoi. Ça fait partie de mes questions faciles. D'accord. Alors. Quel problème met hors service le module de service d'Apollo 13 ? Alors, explosion du réservoir d'hydrogène, explosion du réservoir de samplon 95, pas mal. Explosion du réservoir d'oxygène ou explosion du réservoir d'eau ? Alors, j'hésite entre l'hydrogène et l'oxygène, et je crois que c'est l'oxygène qui pose un énorme problème. Donc, je valide oxygène. Et eh ben c'est une très bonne réponse. Yes. Voilà, quand même Apollo 13 quoi. Donc ça va, j'ai un petit bâton. Ah mais j'aurais pu me douter. Ouais, j'aurais pu avoir hydrogène, oxygène, j'ai eu un doute, ouais. OK, parfait. Ma petite question 3 dans Interstellar. Ah ouais. Sur la planète O, il y a un easter egg de la bande sonore en arrière-plan. Il y a un bruit de cliquet important. Ouais. Ces cliquets se produisent toutes les 1,25 secondes. D'accord ? Mmh. Ainsi, chaque tic que tu entends correspond à une semaine sur Terre, une journée sur Terre, une année sur Terre ou une heure sur Terre. Planète O, tu as dit, en fait, tout c'est là fait. Où il y a des grandes, des énormes marées, en fait, quoi. C'est ça, tout okay. À fait. Alors, une seconde, alors, vas-y, redis-moi. Le cliquetis dure, c'est un cliquetis ouais. dans la bande sonore, en fait, d'accord. T'as un cliquetis tous les 1,25 secondes. Ok. Ce qui est beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Mais chaque tic correspond à une semaine sur Terre, une journée, une année ou une heure. Je vais dire une heure. Tu dis une heure. Je vais valider une heure. Tu valides une heure. Ouais. Et bah, c'est une journée. Et c'est une journée. Ah, c'est là, là. Une journée. C'est pour. C'est déjà. C'est déjà beaucoup en fait. C'est pour ça qu'en fait, tout le temps qu'il passe sur Terre, c'est du temps qu'il ne pourra pas rattraper aussi avec sa fille et c'est un choix qu'il a dû faire. Voilà. Ça marche. Donc tu as validé une heure. Ok. Ok. Bon, on est à un point chacun, si je me trompe pas. Tout à fait. Et d'accord. On attaque la question 3 pour toi. 3 pour moi, c'est ça. Alors, quel est le nom français du film Electric Dreams ? Le nom français. D'accord. En sachant que le nom québécois, par exemple, c'est Rêve électrique, je crois. Mais le nom en France. D'accord. Est-ce que c'est Miles ? Est-ce que c'est Le Duel ? Est-ce que c'est La Belle et l'Ordinateur ? Ou est-ce que c'est Mélodie électrique ? Alors, je vous cache pas que je connais la réponse. Donc, je vais attendre un petit peu. Là, je m'en doutais que tu la connaissais. Ouais. Donc, j'attends un petit peu que les auditeurs cherchent aussi. Et c'est La Belle et l'Ordinateur. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Ok, bien joué. Ah, c'est. Ouais. J'ai eu un doute sur le fait, est-ce que tu t'en rappelles de ce truc-là ou pas. Mais ok. Dans et d'ailleurs, ça sera la musique de fin, c'est ça qu'on se disait hier. J'avais super. Choisi une musique de fin, mais je ne pouvais pas dire de quel film, puisque c'était dans mes questions. D'accord. Ok, bah, très et bon ça choix. Sera la musique de fin d'Electric Dreams. Ok, parfait, effectivement. Ok, très bien. Donc, ma question 4, c'est... ça se passe dans Le Parrain, de Francis Ford Coppola, okay. 72 quand même. Comment s'appelle l'avocat de la famille ? Rizzi, Santino, Hagen ou Solozzo ? Alors, c'est Hagen. C'est Hagen. Ok, t'es sûr ? Je valide Hagen. Tu valides Hagen. Et tu as le point. Ouais, la prochaine fois, je vais attendre un tout petit peu ouais, avant de... Ouais, les auditeurs, ils cherchent aussi. Donc, tu as eu ton deuxième point. C'est l'avocat et en même temps, le consigliere, le bras droit du parrain, il me semble. Oui, tout à fait. Donc, mais c'est Hagen, en fait, n'a rien à voir avec la famille. C'est le fils adoptif, en fait. C'est ça. C'est pour ça qu'il ne peut pas faire partie... Tout à fait. De la famille. Rien. Ouais, voilà. Okay. La famille. La famille. Rizzi, en fait, c'est le mari de Connie. Oui, ok. Qu'on voit au mariage au tout début. Okay. Santino, c'est le fils... qui s'appelle aussi Sony. D'accord. Et Solozzo, en fait, c'est juste le Turc. C'est un ennemi, en fait, de la famille. D'accord, voilà. Ok, très bien. Bien joué. Bien. À toi. Ok. Alors, question 4 pour moi. Ouais. Dans Terminator 2, en quelle année se passe l'holocauste nucléaire ? Oh, putain. En 1991, en 1995, en 1997 ou en 1999 ? Je pense que c'est 1999 et je valide 1999. Alors oublie pas qu'on peut commencer à utiliser notre joker aussi. Hein. Ouais, mais je vais utiliser 1990, dire 1999. Tu valides ? Ouais, je valide. Eh ben non, c'était 1997. Oh punaise. Ouais. Ouais, j'ai répondu trop vite. Bon, je bah, vois pas la, bien la petite joué. Astuce de demander. Tu peux utiliser le petit joker. Hein. Bah en même temps, joker, je t'aurais dit 97 et 99, donc tu aurais quand même validé 99. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Allez, question 5. Donc, 0 points pour Fanny. Oui. Dans Un jour sans fin, oui. De Harold Harris, 1993, au fur et à mesure des jours que répète Phil sans arrêt, ce fameux jour de la marmotte qu'il vit sans arrêt, okay. Qu'apprend Phil ? Le saxo, la cuisine et la danse, le piano, la sculpture de glace et la danse. Ou le saxo, l'italien et la cuisine, ou le piano, la sculpture de glace et l'italien. Ok. ok, attends. Il apprend trois choses, au fur et à mesure des jours qui se répètent. Alors je crois que j'en ai deux sur les trois, mais j'ai... Alors je crois que c'est la quatrième réponse. Donc pour toi, c'est le piano, la sculpture sur glace et l'italien. Et l'italien. Tu valides ? Je vais valider. Tu valides, ok. Et la bonne réponse est le piano, la sculpture sur glace et l'italien. Tout à fait. Donc okay, tu as ton cool. point. Merci. Il faut savoir aussi que pour le doublage français, c'est l'anglais qu'il apprend. D'accord. Et en anglais, il apprend le français. D'accord. Il y a eu un petit coup de hasard, je t'avouerai. Sur l'italien, ouais. J'avais un doute en fait. Quoi. Ok, ouais. Donc voilà. Et bah, bien joué, 3 points pour Julien. Et deux petits points pour Fanny. Voilà, c'est ça. Alors, question numéro 5 pour moi, c'est tout ça ? Tout à fait. Alors... Quelle est la marque de la voiture Ecto One dans Ghostbusters ? La marque de la voiture. Est-ce que c'est une Chevrolet ? Est-ce que c'est une Cadillac ? Est-ce que c'est une Chrysler ? Ou est-ce que c'est un GMC ? Ah, la honte. Non, pas la honte parce que... Je vais utiliser un joker. D'accord, vas-y. Je vais utiliser le 50-50. Le 50-50, tu veux le faire maintenant ? Ouais, allez. D'accord. Alors. Ok. Donc, j'ai enlevé Chrysler et GMC. Il te reste Chevrolet ou Cadillac ? Donc, c'est une Cadillac et je valide Cadillac. Tu valides Cadillac ? Je valide Cadillac. Eh bien, c'est une très bonne réponse. Ouais, super. Je suis contente. Ok. Donc, tu as utilisé ton 50-50. Tout à fait, je l'ai barré. Ok, très bien. Alors, ma question 6, ça se passe dans Les Dents de la Mer, le premier de Steven Spielberg de 75. Ok. Sur quelle île se passe l'histoire ? Coney Island ? Amity Island ? Kauai Island ? Ou Brea Island ? Alors, je vais répondre Amity Island. T'es sûr ? Hein ? T'es sûr ? Oui, je vais dire ça, oui. Eh bien, voilà. C'est une bonne réponse. Bah ouais, merci. Oh, moi, je voulais que tu répondes Brea Island. Non, non, mais j'ai de plutôt bonnes raisons de connaître la réponse à cette question, en fait. D'accord. Donc voilà, ça me fait un petit point. Et Kauai Island, eh ben, c'est l'île de tournage de Jurassic Park, en fait. D'accord, à Hawaï, c'est ça. Ouais, ça fait partie des... Il y a plusieurs îles dans l'archipel d'Hawaï. Et Kauai Island, c'est l'île de tournage de Jurassic Park. Et Coney Island, c'est Coney Island, quoi. Ok, voilà. Très bien. Et Brea, ben, c'est l'île de Brea. C'est ça. À toi. Alors... Dans Alien, le premier. D'accord. Combien de temps passe l'équipage en hibernation avant d'être réveillé par l'ordinateur de bord ? Est-ce qu'ils sont en hibernation pendant 5 mois, pendant 10 mois, pendant 5 ans ou pendant 10 ans ? Oh là là là là là là. Tu veux que je te répète ou c'est bon ? Je veux bien, ouais, que tu me répètes. Je crois qu'il y a 5 mois. 5 mois, ouais. 10 mois, ouais. 5 ans ou 10 ans ? Je vais partir sur 5 ans, mais j'ai un doute. Oh là là, qu'est-ce que je fais ? Je vais utiliser un joker tout... Non, je vais peut-être attendre. 5 ans. Je vais rester. On est sur... la sixième question. Ouais, je vais attendre. Ouais, je vais attendre. 5 ans. Tu dis 5 ans ? Ouais, allez, je valide 5 ans. Eh bien non, c'était 10 mois. Ah bah voilà. Ouais. Eh bah voilà. Eh bah ouais. Mais c'est le jeu, Lucette. Hein. Tu aurais pu demander un indice parce que j'avais mis bébé brune comme indice. Pour 10 mois. Ah bah oui, 10 mois. Oh, c'est bon. Joli. Donc à nouveau 0 point pour Bibounette. Donc je suis à 4, bon. Tu es à 3. Tout à fait. Voilà. Moins un joker. Exactement. Ouais. Ma septième question. Dans Maman, j'ai raté l'avion de 90. Donc le premier. Maman, j'ai raté l'avion. Oui, d'accord. C'est une famille très nombreuse. Et combien de voitures vont les emmener à l'aéroport ? Oh, putain. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Ou 1, 2, 3, 4, hein, c'est égal. Mais... Alors, tu sais quoi ? Je vais utiliser un joker aussi. D'accord. Je vais faire mon appel à un ami. D'accord. Tu sais pourquoi ? Parce que moi, ça fait très longtemps que j'ai pas revu le film et je sais que Ziet, mon pote là que je vais appeler, l'a revu, je crois, il y a pas très longtemps avec son et fils. Bah, écoute, je vais baisser le son et je te laisse prendre ton téléphone du coup et appeler ton là, joker. Ça va devenir très technique, attention. Et je suis en train de penser, Pépé qui nous a fait des formations podcast pour améliorer le son, s'il nous voit faire ça, allez. Il va halluciner. Bon, alors, on va tenter l'appel à un ami. Tout à fait. Je vais appeler Ziette. Donc moi, je coupe carrément le son. Ouais, nickel. Ah, ça y est. Ah, je crois que ça sonne. Oui. Oui, Ziette, ça va ? Oui, toi aussi ? Ouais, je te dérange pas ? Non, ça va là. J'avais prévu le coup, il paraît que vous êtes en plein enregistrement, donc... C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Écoute, je t'appelle, j'ai un petit problème avec une question sur un film que toi, t'as vu il y a pas très longtemps, je crois, enfin plus récemment que moi. Vas-y, je t'en prie. Je te la pose, vas-y. Donc c'est dans Maman, j'ai raté l'avion, le premier en fait. T'entends Fanny quand elle parle ou pas ? Ouais, j'entends. Donc c'est dans Maman, j'ai raté l'avion, donc ça concerne une famille qui est très nombreuse. Combien de voitures vont les emmener à l'aéroport ? 1, 2, 3 ou 4 ? Ah, je dirais 3, mais sans être sûr de quoi que ce soit. Moi, j'avais un doute sur 3, mais peut-être je voulais avoir ton avis quand même. Ouais, je suis pas sûr de l'avoir vu plus récemment que toi, ça fait un moment que je l'ai pas vu. On a l'air chaud sur 3 tous les deux, donc on va peut-être valider ça. Ouais, mais sans aucune certitude de quoi que ce soit, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ah, mais en fait, c'est ni 1 ni 2 et 4, je visualise pas 4 voitures devant la maison en fait. Moi non plus, j'ai l'impression de me souvenir de trois, mais sans aucune certitude. Ok, bon. Donc bah, on part sur trois. Vous validez trois ? Julien ? Ouais, je vais valider trois. Tu valides trois ? Je suis mon pote et on va valider trois. Ok, et ben, ce sont deux véhicules qui sont stationnés devant la maison et qui emmènent la famille, les deux familles en fait, parce qu'il y a les cousins. Ce sont en fait des véhicules assez gros, ce sont des monospaces, mais ça reste des véhicules. Okay. Donc c'est deux véhicules. Merci bro, super. Donc pas de point pour Juju. Monospace, mais alors là, ouais. Bon, bah dommage. Bah, j'ai voilà. vraiment dit ouais, trois, mais c'est pas grave, ok. C'était l'idée aussi de m'écouter alors que t'aurais dit la même chose. Ouais, super. Excellent. Bon courage en tout cas pour la suite. De... Bah allez, merci, à plus tard. Salut, à plus tard. Salut. Bon, bah, pas de points pour Bibou sur cette septième question. Et voilà. D'accord, j'étais persuadé que c'était trois. Mais... bah voilà, okay. Je pourrais te remettre la scène tout à l'heure pour que tu vérifies. Oui. Tout à fait. Très bien, bien joué. Je t'en prie. Ok. Donc, pas de points. Et par contre, tu peux barrer du coup ton joker appel à un ami. Ok. Et c'est à ton tour pour la septième question. Alors. Elle va être facile celle-là en fait, je me rends compte maintenant. Dans les Goonies, Sinoc porte un t-shirt sous les vêtements qu'il arrache, mais lequel ? Iron Man, Batman, Spider-Man ou Superman ? Tic-tac, tic-tac. Eh bah, tu connais en fait, je sais. Tic-tac, tic-tac. Et bah la réponse est Superman et je valide Superman sans hésiter. Et bah c'est ça, c'est une très bonne réponse. Voilà, ça y est, j'ai enfin... On est ex aequo. On est à 4-4, ok, voilà. Très bien. Voilà, ça m'a permis de remonter. Et ben, j'attaque ma huitième et ça va se passer dans Gremlins 2. Okay. 1990. Dans le laboratoire, les Gremlins volent les virus. Mais comment ? En se faisant des injections ? En les buvant ? En les mangeant ? Ou en les jetant sur les autres Gremlins ? Oula, Dans Gremlins 2, ouais. Il y a la scène dans le laboratoire. Oui. Donc Gizmo a été mouillé dans les tiroirs. Il y a plein d'autres D'accord. Gremlins qui sont arrivés et ils se baladent dans cette tour. Et dans cette tour, il y a un labo où ils font des expériences un peu très bizarres. Okay. Et ils ont des virus. Et il y a des Gremlins qui les volent. Mais comment ? En se faisant des injections, en les buvant, en les mangeant ou en les jetant ? Je dirais injection. Injection. Je pense qu'il s'injecte en fait le produit. Est-ce que tu valides cette réponse ? Je vais la valider. Allez. D'accord. Et ben la réponse c'était en les buvant. En les buvant. Ok. Voilà. Il y a une scène où on le voit boire un flacon et en fait il commence à avoir des pustules de fruits et de D'accord. légumes sur le visage. Ok. Bon j'avais un doute mais ok très bien. Voilà. C'est le jeu. C'est le jeu Lucette. Ok. À ton tour pour la huitième. Alors. Là, je pense que tu vas trouver, parce que ma huitième question est « Où se passe l'action du film Les Dents de la Mer ?» Ah, bah tiens. Sur l'île Goodland. Ah bah tiens. Je vais quand même te la non, faire. Non mais ça, bah voilà. Sur l'île d'Amity. Non mais c'est pas possible. Sur l'île Freeport ou sur l'île Charleston. Bon bah ce sera Champagne. Ça sera Champagne, voilà, ouais. Bah voilà. Il a fallu qu'on le fasse. Ouais. Amity. Amity, bah c'est une très bonne réponse. Oh ok. Eh bah on l'a fait. Et c'est à la huitième question qu'on se rend compte que Check. On a Allez. Déjà une question similaire. Je m'en doutais un petit peu. Oh là là, non mais c'est quoi. Incroyable. Bien joué. Même question, même... Mais c'est impressionnant, même réponse, quoi. Ah, oh, ça, c'est nous, ça. Je t'aime, Bibou. Allez, je vais pour ma neuvième question. Dans Sauver Willy. Oula, ouais, ok. Combien de personnes aide Jessie à sauver Willy ? Donc, on compte pas Jessie, hein. Ouais, ouais. Ok. 1, 2, 3 ou 4. On est d'accord que c'est des gamins, c'est des potes à lui en fait. Ah, je ne sais pas. Je sais pas. Ça fait des Dans les personnes pas... qui aident Jessie, ouais. Je ne compte pas Jessie. Jessie veut sauver un orque pour le remettre en liberté. Qui a été kidnappé, oui, il est dans un zoo. Oui, je connais l'histoire de Sylvie Willy, oui. Ouais. Je te Mais resitue le juste le contexte. Ah oui, combien de personnes vont Vas-y, aider Vas-y, redis-moi, je vais peut-être faire un joker en fait sur celui-là. 1, 2, 3 ou 4. Ah putain. Si je te fais faire un 50-50, ça va pas m'arranger beaucoup. Il me reste quoi ? Si je te demande un indice, en fait. Un indice ? Ouais. En sachant que si t'as pas d'indice, on avait dit que tu me faisais un 50-50. Bah, je vais te faire un 50-50, ouais, parce que allez. Là, c'est des chiffres. Te donner un indice sur des chiffres, c'est compliqué. D'accord. Donc, je te fais un 50-50. Ouais. Et je vire le 4 et le 1. Donc, il te reste 2 ou 3. Et ben, je vais dire 3. Tu dis 3. Et ben, c'est une bonne réponse. Ah, cool. Okay. On a Michael Madsen qui joue Glenn. On a Laurie Petty qui joue Rae, c'est la soigneuse de Willy. Et on a August Schellenberg, l'acteur qui joue le rôle d'August, c'est un Indien. D'accord. Qui est décédé il n'y a pas trop longtemps. Ouais. Et voilà, donc c'est les trois personnes qui vont aider Jessie à ramener Willy dans l'océan. Putain, j'avais oublié qu'il y avait Michael Madsen, en fait. Et là, ouais, c'est fou. Ouais, ok, ouais. D'accord. Et du coup, ça te fait un point et tu es à 5. On est tous les deux à 5, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Ok. Donc, ma neuvième question, si je ne me trompe pas. C'est tout bon. Dans La Famille Adams, le premier de 1991. Oh là là. Non, ça devrait le faire. Non, mais je ne peux pas me foirer là-dessus, c'est pas possible. Comment s'appelle l'homme qui se fait passer pour l'oncle fétide? Il s'appelle Gary Dante, Gordon Craven, Barry Hooper ou Brett Scott? Tu peux me redonner les questions? Bien sûr. Les réponses? Oui, les réponses, pardon. Alors, Gary Dante, Gordon Craven, Barry Hooper ou Brett Scott? Et là, tu fais une tête, je sais que tu non, sais. Non, voilà, je me juste demandé de redonner les réponses parce que je connais la réponse. Et d'accord. La réponse, c'est la réponse B. Et je valide B, c'est Gordon. Ah oui, ok, j'avais c'est pas Gordon. Pensé à cette scène. Donc ouais, j'aurais dû faire d'autres Gordon avec mais d'autres noms. Là, okay. Ça m'aurait induit en erreur. Et bah, c'est une très bonne réponse. Ouais. Gordon Craven, bien joué. Exactement. Ah, un petit point. Ah, je suis contente. Alors, moi, ma question, c'est dans Rencontre du troisième type, ouais. 1977, de quelle époque sont les avions découverts par le professeur Lacombe au début du film? 1917, 1915, 1940 ou 1945? Il s'agit du vol 19 des appareils Grumman, TBF, Avenger, si ça peut t'aider. Ça à manger. Pas direct donner un indice. C'est pas grave. Oui, en qui n'en est pas forcément. Ça m'aide pas du tout. D'accord. Alors répète-moi peut-être les dates. Les dates, donc ce sont les avions qui sont découverts par le ouais, professeur ouais, Lacombe. Ouais. 1917, 1915, 1940 et 1945. Il ne me reste plus qu'un joker. Je vais peut-être le garder pour plus tard. Et j'ai envie de partir sur 1917 en fait, le premier. Tu es sûr? Non, j'en suis pas sûr, mais je valide ça quand même. Tu valides 1917, ouais. Et c'était 1945. Et d'accord, ok. C'est vrai que elle est assez balèze parce que j'ai fait la première guerre et la deuxième guerre, donc c'est la seconde guerre mondiale en fait. Ok. Bon, bah tant pis. Bah écoute, c'est le jeu. Hein. Bah à ton tour pour la dixième Alors, question. La dixième question. Non, ça va vite en fait. Bah ouais. Ouais. Tout, je me rends compte qu'elle va être très facile celle-là en fait. Alors, quel est le numéro de la chambre interdite dans The Shining? 217, 237, 213 ou 327? Tu veux que je te répète? C'est la chambre 237. Tu valides 237? Ouais, je valide 237. Et bah, c'est une très bonne réponse. Je vais garder mon joker parce qu'il ne me reste plus que deux et je sens que. Il te reste deux jokers. Ouais, il me reste deux jokers, ouais. D'accord. Bon. Celle-là, elle est vraiment facile. Dans La Cité de la Peur, ouais. 1994, chez qui mange-t-on les meilleurs gencives de porc? Chez Lulu, chez Thierry, chez Maxime ou chez Michel? Et tu sais que là, comme ça, j'ai un doute. Qu'est-ce que tu veux manger? J'ai envie de manger des gencives de porc. Bah, chez qui mange-t-on les meilleurs gencives de porc? Chez Lulu, chez Thierry, chez Maxime ou chez Michel? Je dirais Maxime. Eh ben, tu valides ou pas? Je valide Maxime. Tu valides Maxime, c'est ton dernier mot? Ouais. Eh ben, c'est Maxime. Voilà, hein. Et j'avais un doute quand même, ça. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est pas évident, enfin, tu vois, j'ai trouvé des prénoms un peu... Ouais. Et bah c'est à ton tour pour la 11e. Ok, alors, 11e question. L'île de Jurassic Park, Isla Nublar, se situe, au large de quel pays? Au large du Guatemala, du Nicaragua, du Panama ou du Costa Rica? Bon allez, je vais utiliser un joker quand même. Je vais appeler un ami. Non. Sur cette non. question-là? Non, pas sur cette question. Je sens qu'il va y en avoir des difficiles après. On est à la moitié de les... On est à la moitié. Bon, je sais que ça se passe au large du Costa Rica. Ah bah, pourquoi tu voulais appeler pour... Ah oui, d'accord, ok. Non, je valide Costa Rica. Ah oui, bah, ok. Très bien. Bon, bah, bien joué. Merci. T'as pris de l'avance, là, dis donc. Ouais, désolé. Ouais. Bah, t'excuses pas. Alors, j'écoute. Tu écoutes. Ouais. Dans Beetlejuice, quel est le cadeau de Adam, qui est son mari, qui lui offre dans le... Il s'offre des cadeaux dans le grenier pour leurs vacances, en fait, au tout début du film. Oui. Il lui offre quoi ? Des rideaux, des draps, de la tapisserie ou des bocaux ? Alors, je crois que c'est des rideaux. Tu peux me répéter juste les réponses, pardon ? Des rideaux, des draps, de la tapisserie ou des bocaux ? J'ai un doute entre draps et rideaux. Je vais valider rideau sans être sûr à 100%. Tu valides rideau. Ouais. Et la réponse juste, c'est de la tapisserie. La tapisserie. Pour la chambre d'amis. Elle est toute contente. Elle fait, ah, super, je vais pouvoir faire la chambre d'amis. Ouais, ok, ok. Et elle lui offre du vernis. Ça, j'aurais pu... Ouais, vernis, ah j'aurais bah trouvé. Oui, mais c'était, bah, c'était trop facile. Ok. Bon. Très bien. Question numéro 12 pour moi. Dans Les Évadés. Il aura fallu combien d'années au détenu Dufresne, donc interprété par Tim Robbins, pour creuser son tunnel ? 5 ans, 10 ans, 19 ans ou 23 ans ? Oh punaise. Ouais, je crois que j'ai bien fait de garder mes jokers. Oh, j'ai un doute. Donc je vais pas te dire entre quoi et quoi. Je vais Ah putain, j'ai déjà fait le 50-50. Je veux bien un indice. Hein. Une loupe. Hein. L'indice loupe. Tu veux l'indice loupe ? Ouais. C'est un virus un petit peu chiant. Et les réponses, c'était quoi ? 5 ans, 10 ans, 19 ans ou 23 ans. Je vois pas du tout. Je vais dire 19 ans. Mais c'est ça. Ah ouais ? C'est 19 ans, ouais. Et quel est le lien avec virus ? Parce que le Covid-19, c'est un virus un petit ah peu oui, casse-couille. Ah oui, c'est vrai, ouais. 19. Ah oui. Bon. Voilà, bah bien joué. Hey, super. Putain, t'es en train de prendre l'avance des points, c'est... Ok, bon, ok. Pas de soucis. Dans Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Oui. Comment s'appelle le café où travaille Amélie à Montmartre ? Le café du cirque, le café des deux moulins, le café de cinéma ou le café de la joie ? Dans quel café travaille Amélie ? À Montmartre, le café du cirque, le café des deux moulins, le café du cinéma ou le café de la joie ? Je vais prendre un joker, je vais prendre mon 50-50. Tu prends ton 50-50. Ouais. Et du coup, je te laisse le café du cinéma et le café des deux moulins. Ouais, ça me balance pas du tout en fait. Je dirais les deux moulins. Tu valides les deux moulins ? Je valide, ouais. Eh bien, c'est une bonne réponse. Cool. Oui. Oui, un point pour Julien. Eh bien, super. Donc ça, c'était ma question 13. À toi. Question 13 également. Dans The Truman Show, quel métier exerce Jim Carrey ? Est-ce qu'il est agent d'assurance ? Est-ce qu'il est employé de banque ? Est-ce qu'il est archiviste ? Ou est-ce qu'il est, pardon, gérant d'une quincaillerie ? Bon, je pense que je vais utiliser l'appel à un ami. Ouais. Ouais, je pense. T'as un doute sur celui-là, tu... Les premiers, c'était quoi ? Alors, agent d'assurance. Ouais. Employé de banque. Archiviste. Non, ça y est, c'est bon. Ça me revient. Ou gérant d'une quincaillerie. Eh bien, je vais dire la réponse A. Agent d'assurance ? Agent d'assurance. Tu valides et tout. Et je valide l'agent d'assurance. Bah, c'est une très bonne réponse. Ouais. Je sais pas pourquoi je sens que je vais avoir une question difficile après et je vais regretter d'avoir utilisé mon dernier joker. Mmh. Ok. Question 14. Dans Paranormal Activity, le premier, celui de 2007, que dit Kate à Mika pour le test son de la caméra ? Tu es beau ? Tu m'énerves avec ta caméra ? T'es un mec parfait, mais tu peux pas t'empêcher de faire joujou avec tes gadgets technologiques ? Ou arrête de m'embêter ? C'est quoi, elle est sur le canapé, en fait, en train C'est de... ça, alors, il est okay, en train okay. de s'amuser, de bidouiller, ouais. Voilà, il fait ses tests son. Et du coup, il l'enregistre. Et qu'est-ce qu'elle dit à ce moment-là ? Tu es beau, tu m'énerves avec ta caméra, t'es un mec parfait mais tu peux pas t'empêcher de faire joujou avec tes gadgets technologiques ou arrête de m'embêter. Et j'ai plus de joker donc je dirais arrête de m'embêter. Arrête de m'embêter. Tu valides arrête de m'embêter ? Non. Tu valides pas. Ah. Non, je suis en train de réfléchir à ce que t'aurais pu inventer à côté. Et Quelles sont les propositions que j'ai inventées et quelle est la vraie, en fait ? C'est ça ? C'est la première phrase qu'elle dit. On est d'accord. Quand il fait les tests son, ouais. Elle lui dit quelque chose pendant l'enregistrement pour tester le son. Je vais rester sur tu m'énerves, je sais pas. Arrête de m'embêter. Tu restes sur arrête de m'embêter. Ah, de m'embêter, pardon. Ouais, ouais. Tu restes là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Tu valides alors. Je valide. Tu valides. C'est pas ça. Et la réponse, c'est tu es un mec parfait, mais tu ne peux pas t'empêcher de faire joujou avec tes gadgets technologiques. Ok. Bon. Ah, bah oui, bah bien écoute, hein, on avait dit gros level, hein. D'accord. On a quand même fait. Il a fallu qu'on tombe sur la même question et la même réponse, quoi. Mais je m'en doutais un petit peu de tout ça, quoi. Ouais, ouais. Allez, à ton tour pour la question 14, mon bibou. 14e question. Comment s'appelle le parc d'attractions dans Le Flic de Beverly Hills 3? Oh là là. Ah ouais, ok. C'est, okay. Est-ce que c'est Wonder Park, Wonder Fun, Wonder World ou Wonderland? Mais Wonderland déjà. Je vais. Bah là, voilà. Bah, c'est maintenant que je vais faire l'appel à un ami en fait. Donc, bah, je vais appeler. Je vais appeler. Bah, comme c'était prévu, je vais appeler Lynn et normalement il y aura Franck derrière. Ok. Pour répondre à cette question. Ok. Alors, je vous donne un petit instant. Je crois que ça commence à sonner. Ouais, ça sonne. Ça très bien. Ouais, coucou. Bonjour Lynn, ça va? Ouais, c'est cool. C'est bon, moi. Bah écoute, ça va, là on est en plein quiz cinéma, comme je t'en avais parlé. Ouais. Et bah du coup, là je bloque un peu sur une question, donc j'espère que vous allez pouvoir m'aider tous les deux. Vas-y, dis-nous. Alors, dans Le Flic de Beverly Hills 3, comment s'appelle le parc d'attractions? Quoi? Comment, pardon, quoi? Comment s'appelle le parc d'attractions dans Le Flic de Beverly Hills 3? Alors, j'ai plusieurs propositions. Ouais, vas-y. Ouais. Wonder Park. Wonder Park. Ouais, c'est ça. Wonder Fun. Wonder Fun. Non. Wonder World. Wonder World. Wonder World, peut-être. Wonderland. Ou Wonderland. Attends, il y a quatre propositions. Donc, il y a Wonderland, Wonder Park, Wonder Fun. Et Wonderworld. Et Wonderworld. C'est pas évident. Hein. J'hésite entre deux. Et Franck, il a dit quoi au début? Il a dit tout de suite, spontanément, il a dit quoi? Wonder Park. Bon, bah écoute, moi je sais que c'est pas Wonderland. Et comme je vois pas du tout ce que c'est, on fait quoi? On valide Wonder Park? J'hésite avec Wonder World. Ah, t'hésites avec Wonder World. Ah, mais Wonder World, c'est pas le film avec Kevin Costner? Wonder World? Non, c'est Waterworld. Ah, c'est Waterworld. Bien joué, Fanny. Bien joué, Fanny. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On valide quoi, du coup? Wonder Park ou Wonder World? On peut appeler un ami? Non, vous pouvez pas appeler un ami. Pardon? On peut pas appeler un ami, c'est moi qui vous appelle. Ah non, ça. On part sur Wonderworld. Wonderworld. On fait ça? Ouais. Valide, allez. Allez, on valide Wonderworld. Ah, c'est une très bonne réponse. Eh ben, bien on a Wonder gagné World. Le point. Bravo, bravo. Bien joué. Ah, eh ben, merci à vous deux, en tout cas, de m'avoir aidé à gagner ce point. Écoute, c'était un plaisir. Eh ben écoute, à très bientôt. À bientôt. Merci à vous. Bisous. Ciao. Et un point de plus pour Fanny. Et voilà, ça me fait un point supplémentaire. T'avais un doute avant, non? Ah ben là, franchement, j'avais juste éliminé Wonderland. Ouais. Mais le reste, je voyais pas en fait. J'avais vraiment besoin d'un appel à un ami là. D'accord. Bon, ouais. Bah, parfait. Ah ben je suis contente. En plus, j'ai eu le point. Je suis contente. C'est à mon tour, je crois. Bah oui, c'est à mon tour. Oui, c'est ça. Donc, 15e, on est pour la 15e. Ok. Dans Altra, de 2004. Wow, ok. De Benoît Delépine et Gustave Kerven. Dans quel pays se situe l'entreprise Altra qu'ils vont rejoindre? Le Danemark, l'Allemagne, la Finlande ou la Hollande? Alors, tu sais que j'ai failli te faire cette question. C'est pas vrai. Et je crois que c'est la Finlande. Est-ce que tu valides la Finlande? Je valide la Finlande. C'est ton dernier mot, Jean-Pierre? Oui. Eh bien, c'est bien la Finlande. Ok, très bien. Enfin, quand même. Ouais. Altra. Ouais. Ok, très bien. Alors, ma 15e question à moi. D'accord. Quel est le métier de John Travolta dans Allô Maman, ici bébé? Est-ce qu'il est contrôleur aérien? Est-ce que c'est un vendeur de hot dogs ambulant? Est-ce qu'il est chauffeur de taxi? Ou est-ce qu'il est trader à la bourse? Est-ce que tu veux que je te répète? Non, il est chauffeur de taxi. Il est... Est-ce que tu valides ta réponse? Oui, je valide ma réponse. Il est chauffeur de taxi. Et il est bien chauffeur de taxi. Oui, parce que je me souviens de la scène avec... Vroom vroom. Contrôleur aérien, ça aurait pu t'induire en erreur parce que je sais qu'il prend des cours de pilotage aussi en parallèle de son. Voilà, son et boulot c'est... De... j'ai pensé à ça tout de suite. Ouais, ouais. Les avions, mais en fait, non. D'accord, bah, bien c'est joué. Une très bonne réponse, bien joué. Ok, t'as énormément de points de plus que moi, j'ai pas compté encore, mais. Je suis à 5, 10, je suis à 17. Et toi, tu es à 5, 6. Tu peux pas 7. Être à 17. On est à la 15e question. Ah oui, j'ai fait des barres. Non, oui. Je suis à 10, pardon. Tu es à combien? Attends, je vais 10. Te dire à combien tu es. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu es à 12. Oui, bon, j'ai fait n'importe quoi. Parce que, en fait, t'as fait des barres sur tes 5. Ah, mais voilà, c'est ça. Ouais, ouais, okay. Ok. 3, 4, 5, 6, 7. Et moi, je suis à 7, tu vois. Donc, ok. Ok. Donc, ma 16e question, c'est dans Chéri, j'ai rétréci les gosses. Ok. En 89. Comment s'appellent les deux familles? C'est les fameux voisins. Il y a celui qui râle tout le temps. Ouais, ouais. Et t'as celui qui fait un petit peu le professeur Folding, quoi. Oui, bien sûr. Okay. Ouais. Okay. Est-ce qu'ils s'appellent les Johnson et les Brown? Les Alinsky et les Johnson? Les Levinsky et les Brown? Ou les Salinsky et les Brown? Putain, d'accord. Alors, est-ce que tu peux me répéter, s'il te plaît? Les Johnson et les Brown? Ouais. Les Alinsky et les Johnson? Les Levinsky et les Brown? Et les Salinsky? Et les Brown. Je vais dire le dernier, la dernière réponse. Salinsky Brown. Ouais. Non. C'est pas ça. Okay. Non. C'est Salinsky et Johnson. Eh ben, je savais que c'était Salinsky, mais la famille d'à côté, je m'en rappelais plus. C'est les Johnson. Ok. Tu sais que je me rappelais même plus qu'il y avait une famille à côté qui comptait dans le scénario. Mais... Ok, très bien. Tu sais, c'est les voisins et en fait, leurs enfants se retrouvent, les quatre enfants se retrouvent dans le grenier en fait. D'accord. Il y a deux enfants chez les Johnson. Très bien. Bon. Voilà. Bon, bah, écoute, pas de points pour Julien. Et non. Alors, j'arrive à ma 16e question. C'est ça. Dans Ed Wood, le film de Tim Burton, oh là là. Ed Wood se lie d'amitié avec quel acteur? Un acteur très connu des années 30. Est-ce que c'est Bela Lugosi? Est-ce que c'est Boris Karloff? Est-ce que c'est Vincent Price? Ou est-ce que c'est Peter Lorre? Là, je vais vraiment répondre au pif, en fait. Ouais. Tu sais, c'est un vieil acteur des années 30-40 qui... Tu peux me redonner les noms? Ouais, Bela Lugosi, ouais. Boris Karloff, Vincent Price ou Peter Lorre. Je vais dire la réponse A, mais vraiment au pif, en fait. Bela Lugosi? Ouais. Tu valides? Je valide la A. C'est une très bonne réponse. Oh, c'est bien Bela Lugosi, qui jouait anciennement Dracula dans de vieux films des monstres d'Universal. Oh okay, là là. Très bonne réponse. Oui. Ok, bon bah bien joué. Ma 17e question est sur le film Joyeuses funérailles de 2007. D'accord. Quelle drogue est ingérée durant les funérailles? Du cannabis, du LSD, de l'ecstasy ou des champignons? Wow. Alors c'est pas cannabis, c'est sûr. Ecstasy, LSD et champignons? C'est ça. Et puis je me rappelle même plus de la scène où il ingère en fait cette drogue, donc Ecstasy. J'ai un doute entre Ecstasy et LSD. Et il te reste des jokers ou pas toi? Non, ouais, rien, non. Comme non, non. De toute façon je suis bien à la ramasse au niveau des points, je crois. Je vais dire Ecstasy, allez. Tu valides Ecstasy? Je valide Ecstasy. Ouais, bah c'était du LSD. Et c'est du LSD, ok. Bon, bah bon. Ok. Bah voilà. Je suis désolée. C'est pas grave. Ça te fait bien rien. À ton tour pour la 17e. Alors, ok. Elle est facile celle-là en fait, quoi. Dans Last Action Hero, okay. Danny Madigan, le gamin, assiste en avant-première à la projection de Jack Slater. Mais quel numéro du Jack Slater? Est-ce que c'est le 3, le 4, le 5 ou le 6? Oh punaise. D'instinct, je vais sur le 5. Jack Slater 5. Ouais. C'est quoi, je vais valider Jack Slater 5. Tu valides Jack Slater 5. Non mais oui. Ouais, allez, je valide Jack Slater 5. Et ben c'était le 4. Oh punaise, voilà, j'en étais sûre. Ouais. Oh punaise. Pas tout le temps que je suive mon instinct comme ça, c'est pas possible. Non. Alors, dans Fight Club, en 1999, pendant combien de temps Jack ne dort plus et est victime d'insomnie ? 1 an, 6 jours, 6 mois, 3 mois. Ok, donc Edward Norton. Redis-moi les... 1 mois. Ah non, attends. 3 mois, 1 an, 6 jours, 6 mois. Je dirais 3 mois. J'ai plus de joker et je dirais 3 mois. Tu valides 3 mois ? Je valide 3 mois. Eh ben c'était 6. C'était 6 mois. Pendant 6 mois, il ne dort plus. D'accord, ok. Je sais que c'était pas en année et que c'était pas en jour non plus, mais... Tout à fait. Ouais, ouais, ok. Tout à fait. Ok, très bien. Bien bon, joué. Ben, voilà. Bon, question 18. Le robot Johnny 5 du film Short Circuit. Tout à fait. A été conçu par le professeur Crosby dans un laboratoire. Mais quel est le nom du laboratoire ? Est-ce que c'est TechNet ? Est-ce que c'est Mir ? Est-ce que c'est Kramer ? Ou est-ce que c'est Nova ? Tu réfléchis ? Tic-tac, tic-tac, je crois que tu l'as en fait. Ouais, c'est la réponse D, Nova. Ouais, mais je crois qu'elles sont à moitié trop faciles mes questions en fait. Bien joué, c'était bien, le laboratoire Nova. Bon bah écoute. Hein. Ok, bon. La 19e, l'avant-dernière. Oh là là, tu te prends une tollée. Ouais, mais toi, t'es à 14 et moi, je suis à 7 pour l'instant. Donc, ouais. Ok. Dans Sister Act 1, oui. En 92, Dolores, qui est jouée par Whoopi Goldberg, reçoit un cadeau de Sœur Marie Robert. Que dit ce cadeau ? Debout, petite fleur ? Réveille-toi, petite fleur ? Endors-toi, petite fleur ? Fais de beaux rêves, petite fleur ? Alors j'ai un doute entre les deux premiers. C'est debout, bien debout et réveille-toi. Debout, petite fleur. Réveille-toi, petite fleur. Endors-toi, petite fleur. Ou fais de beaux rêves, petite fleur. Alors de toute façon, j'ai plus grand-chose à perdre. Je vais dire debout, petite fleur. Eh bien, c'est une bonne réponse, wow. Effectivement. C'est Marie Robert qui lui offre une petite fleur. Je passe à 8. Parce qu'elle a du mal à se lever à 5h du matin. Tu m'étonnes. D'accord. Eh bien, super. Bah, super bof, mais ouais, ouais, c'est bien. À ton tour, mon amour. Alors, question 19. Avant-dernière question. C'est ça. Dans La Mouche de Cronenberg, okay. Comment s'appelle la cabine inventée par le professeur Seth Brundle, oh là donc là. Jeff Goldblum. Donc la machine, est-ce que c'est un télétransporteur ? Est-ce que c'est un télépod ? Est-ce que c'est un jumper ? Ou est-ce que c'est un vortex ? Ouais, oui. Bah, sans hésiter, la réponse B, c'est un télépod. C'est exactement ça. Ouais, sans hésiter. Bien joué. Mes questions sont faciles. Bah, tu vois, on se posait la question de comment jauger un petit peu la difficulté. Et en fait, moi, les miennes sont plus dures, j'ai l'impression. J'ai chipoté sur des petits détails, en fait, j'ai l'impression. Alors, on n'a pas eu la même méthode de travail c'est pour trouver possible. Les questions. Et ouais, on pourrait expliquer ça un petit peu à la fin. Ouais, quoi. C'est vrai. Ouais, ouais. Alors, la 20e, dans Entretien avec un vampire, ouais. En 1994, où se déroule l'entretien entre Louis, qui est le vampire, et le journaliste, qui s'appelle Daniel. Ok. Paris. San Francisco, New Orleans, New York. Paris, San Francisco, New Orleans, New York. C'est chaud parce que je vois la scène. Je sais qu'il y a une fenêtre qui donne sur la rue. Il fait nuit. Mais... Et en plus, toutes les villes que je cite, ouais. C'est pour ça que j'ai vérifié, toutes les villes que je cite sont des villes qui sont dans le mais film. Mais je m'en doutais bien. Ouais. Mais l'entretien précisément se déroule dans une des 4 villes que j'ai citées. Tu as Paris, ouais. San Francisco, New Orleans et New York. Alors, il me semble que le journaliste est américain déjà. Tout à fait. Et je vais dire San Francisco. Tu valides San Francisco ? Je vais valider San Francisco. Ton instinct t'emmène à San Francisco. C'est ça, exactement. Et c'est une bonne réponse, Julien. Oui ? Oui, c'est San Francisco. Hein. Très bien. Exactement. Bon, bah cool. Bah, je suis à 9. Oui. Et ben, c'était pas évident. Et ben, je passe déjà à ma dernière question. Et oui, la question 20. Ça passe vite. Alors, où se passe l'action du film Zodiac de David Fincher? Est-ce que ça se passe à Los Angeles, à Sacramento, à San Francisco ou à Pasadena? Oh punaise. Tu peux me redonner les réponses, s'il te plaît? Est-ce que ça se passe à Los Angeles, Sacramento, San Francisco ou Pasadena? Je crois que c'est que des villes de Californie. D'instinct, je suis tentée par la baie, par Sacramento. Je sais pas, je peux pas dire. Et je crois que je vais suivre mon instinct. Sacramento. Ouais. Ouais, je valide Sacramento. Ouais. Et ben c'était San Francisco. Ah punaise. Ah, comme quand c'est on finit. C'est presque une deuxième bouteille de champagne, je sais ouais, pas. Ouais, on finit tous les deux sur la même ville. Ouais. San Francisco. OK. Bah ça il fallait le faire quoi. On finit notre questionnaire sur la même ville, San Francisco. Et ben c'était rapide, tu vois, on hésitait à faire en fait 30 questions. Ouais, on est à 52 minutes d'émission, peut-être que la prochaine fois. On en fera un peu parce plus. Parce qu'il y aura une prochaine fois, exactement, évidemment. On ne vous dit pas quoi. D'autres personnes seront choisies également pour... Ah, je pense qu'on peut même le dire maintenant, je pense que c'est assez... Oui, je pense que... Oui, ouais. On va le dire, allez. Alors, le prochain épisode de quiz, en fait, va se faire sur des séries télé. Voilà, et on aura de nouveau un appel à un ami, donc on vous dit pas qui tout de suite, parce qu'il faut d'abord qu'on les prévienne, qu'on voit avec eux s'ils vont être OK et dispo. D'accord. Et puis, on fera ça très prochainement. Okay. En tout cas, c'était vraiment très agréable de pouvoir faire des quiz et de te challenger. Alors, pendant qu'on parle, qu'on dit au revoir, je vais commencer à lancer un petit peu la musique, donc qui est la musique de fin d'Electric Dreams, composée par Philippe Hockey et Giorgio Moroder, donc le compositeur de film. Et ce morceau qui s'appelle Together. Je le lance et on va commencer à te dire au revoir. Et c'était très bien. Je vais quand même répéter les scores. En fait, tu as fini à 15 et j'ai fini à 9. Donc, et j'ai la même chose. Bien joué. Et ben moi, je dis que c'était la première partie. Oui. Et il nous reste la revanche. La revanche. Et la belle. Bah, sauf si tu regagnes encore, mais. Ouais. Oui. Je tiens vraiment à remercier donc, les auditeurs et auditrices, mais plus particulièrement en fait les appels à un ami. Oui. Je remercie Lynn, je remercie Franck, parce que je sais que c'est pas évident de passer à l'antenne. C'est ça. Je remercie Ziette, Yael, Vincent. Ouais, et merci à vous. Vous avez été super. Merci de nous avoir fait perdre ou gagner. Mais en tout cas, c'était cool de vous avoir. Et c'est passé super vite. Ouais. On aurait dû faire 150 questions, en fait. C'est ça, c'est ça. Bon, on le fera pour la prochaine fois. Exactement, ouais. À bientôt, Bibou. Et à bientôt, Bibounette. C'était génial. Allez, ciao. Salut.